Chapitre 12. La chambre. Ophélie scrutait l'obscurité, échevelée, les paupières collées de sommeil. Quelque chose l'avait réveillée, mais elle ne savait pas quoi. Redressée sur son lit, elle contempla les contours flous de la pièce. Par-delà les rideaux en brocart du baldaquin, elle distinguait à peine la fenêtre à croisillons. La nuit pâlissait sur les carreaux embués. Ce serait bientôt l'aube. Ophélie avait eu du mal à s'endormir. Elle avait partagé toute sa vie sa chambre avec son frère et ses sœurs. Ça lui faisait étrange de passer la nuit seule dans une demeure qu'elle ne connaissait pas. La conversation du souper n'avait pas aidé non plus. Elle prêta attentivement l'oreille au silence que rythmait la pendule de cheminée. Qu'est-ce qui avait bien pu la réveiller? De petits coups résonnèrent soudain à la porte. Elle n'avait donc pas rêvé. Dès qu'elle repoussa son édredon, Ophélie eut le souffle coupé par le froid. Elle coula un lainage sur sa chemise de nuit, trébucha contre un repose-pied sur le tapis et tourna le bouton de la porte. Une voix abrupte lui tomba aussitôt dessus. « Ce n'est pas faute de vous avoir mise en garde. » Un immense manteau noir, lugubre comme la mort, se détachait à peine sur la pénombre du couloir. Sans lunettes, Ophélie devinait plus Thorne qu'elle ne le voyait. Il avait vraiment une façon bien à lui d'engager la conversation. Elle frissonna encore somnolente dans le courant d'air glacial de la porte, le temps de rassembler ses esprits. « Je ne peux plus reculer », finit-elle par murmurer. « Il est trop tard, en effet. Nous allons désormais devoir composer l'un avec l'autre. » Ophélie se frotta les yeux comme si cela pouvait l'aider à dissiper le voile de sa myopie, mais elle continuait de ne voir de Thorne qu'un grand manteau noir. Cela importait peu. Son intonation avait laissé assez clairement entendre à quel point cette perspective ne l'enchantait pas, ce qui comblait d'aise Ophélie. Elle crut discerner l'ombre d'une valise pendue à son bras. « Nous repartons déjà ?»« Je repars. » rectifia le manteau. « Vous. Vous restez chez ma tante. Mon absence n'a que trop duré, je dois reprendre mes activités. » Ophélie s'aperçut soudain qu'elle ignorait toujours la situation de son fiancé. À force de le voir comme un chasseur, elle avait oublié de lui poser la question. « Et en quoi vos activités consistent-elles ? » « Je travaille à l'intendance. » S'impatienta-t-il. Mais je ne suis pas venu vous voir pour échanger des banalités, je suis pressé. » Ophélie ouvrit les paupières à demi, elle n'arrivait tout simplement pas à imaginer Thorne en bureaucrate. « Je vous écoute. » Thorne repoussa la porte vers Ophélie avec une telle brusquerie qu'il lui écrasa les orteils. Il fit tourner le verrou trois fois à vide pour lui en montrer le fonctionnement. Il la prenait vraiment pour une demeurée. « À compter d'aujourd'hui, vous vous enfermez à double tour chaque nuit, est-ce bien clair? Vous n'avalez rien d'autre que ce qui vous est servi à table et de grâce. Veillez à ce que votre intarissable chaperon modère ses propos. Il n'est pas très intelligent d'offenser Dame Bérénilde sous son propre toit. » Bien que ce ne fût pas de bon goût, Ophélie ne put réprimer un bâillement. « C'est un conseil ou une menace ?» Le grand manteau noir observa un silence lourd comme du plomb. « Ma tante est votre meilleur allié, » dit-il enfin. « Ne quittez jamais sa protection, ne vous promenez nulle part sans sa permission, ne vous fiez à personne d'autre. »« Personne d'autre ? Voilà qui vous inclut, non ?» Thorne renifla et lui referma la porte au nez. Il n'avait décidément pas le sens de la plaisanterie. Ophélie partit à la recherche de ses lunettes quelque part entre les oreillers, puis elle se posta à la fenêtre. Elle frotta de sa manche un carreau pour le désembuer. Au dehors, l'aube peignait le ciel en mauve et déposait ses premières touches de rose sur les nuages. Les majestueux arbres d'automne baignaient dans la brume. Il était encore trop tôt pour que les feuillages se fussent déjà dépouillés de leur grisaille, mais d'ici peu, lorsque le soleil envahirait l'horizon, ce serait un incendie de rouge et d'or sur tout le parc. Plus Ophélie contemplait ce paysage féerique, plus sa conviction était renforcée. Ce décor était un trompe-l'œil, Une reproduction de la nature parfaitement réussie, mais une reproduction tout de même. Elle baissa les yeux, entre deux parterres de violettes, Thorne, dans son grand manteau, s'éloignait déjà dans l'allée la valise à la main. Ce gaillard était parvenu à lui couper l'envie de dormir. Ophélie claqua des dents, puis reporta son attention sur les cendres mortes de la cheminée. Elle avait l'impression de se trouver dans un caveau. Elle ôta ses gants de nuit qui l'empêchaient de lire à tort et à travers dans son sommeil, puis pencha un broc sur la belle cuvette en faïence de la coiffeuse. « Et maintenant ?» se demanda-t-elle en aspergeant ses joues d'eau froide. Elle ne se sentait pas d'humeur à rester en place. Les avertissements de Thorne l'avaient bien plus intriguée qu'effrayée. Voilà un homme qui se donnait beaucoup de mal pour protéger une femme qu'il n'appréciait pas. Et puis, il y avait ce petit quelque chose, ce flottement indéfinissable que Bérénilde avait trahi au souper. Ce n'était peut-être qu'un détail, mais ça la turlupinait. Ophélie contempla son nez rougi et ses cils perlés d'eau dans la glace de la coiffeuse. Allait-on la placer sous surveillance ? Les miroirs, décida-t-elle soudain. Si je veux rester libre de mes mouvements, je dois répertorier tous les miroirs des environs. Elle trouva un peignoir de velours dans la penderie, mais pas de chaussons à se mettre aux pieds. Elle grimaça en se glissant dans ses bottines durcies par l'humidité du voyage. Ophélie sortit en tapinois. Elle longea le corridor principal de l'étage. Les deux invités occupaient les chambres d'honneur de part et d'autre des appartements privés de Bérénilde, et il y avait en outre 6 chambrettes inoccupées qu'Ophélie visita tour à tour. Elle repéra une lingerie et 2 cabinets de toilette, puis descendit. Au rez-de-chaussée, des hommes en redingote et des femmes en tablier s'activaient déjà malgré leur matinale. Ils astiquaient les rampes et poussetaient les vases, allumaient les feux dans les cheminées et répandaient dans la demeure un parfum composé de cire, de bois et de café. Ils saluèrent affablement Ophélie quand elle fit le tour des petits salons, de la salle à manger, de la salle de billard et de la salle de musique, mais leur politesse devint embarrassée quand elle s'invita aussi dans la cuisine, le lavoir et l'office. Ophélie veillait à se refléter sur chaque glace, chaque psyché, chaque médaillon. Passer les miroirs n'était pas une expérience très différente de la lecture, quoi qu'en pensât le grand-oncle, mais c'était certainement plus énigmatique. Un miroir garde en souvenir l'image qui s'imprime à sa surface. Par un processus mal connu, certains liseurs pouvaient ainsi créer un passage entre 2 miroirs sur lesquels ils s'étaient déjà reflétés. Mais cela ne marchait ni sur les vitres, ni sur les surfaces dépolies, ni sur les grandes distances. Sans y croire vraiment, Ophélie tenta de traverser une glace de corridor pour se rendre dans sa chambre d'enfance, sur Anima. Au lieu de prendre une consistance liquide, le miroir demeura solide sous ses doigts, aussi dur et froid qu'un miroir tout ce qu'il y a de plus normal. La destination était beaucoup trop lointaine. Ophélie le savait, mais elle se sentit déçue quand même. En remontant l'escalier de service, Ophélie échoua sur une aile du manoir laissée à l'abandon. Les meubles des couloirs et des antichambres avaient été drapés de blanc, tels des fantômes endormis. La poussière la fit éternuer. Cet endroit était-il réservé aux autres membres du clan quand ils rendaient visite à Bérénilde ? Ophélie ouvrit une porte à double battant au fond d'une galerie. L'atmosphère moisie de la longue salle ne la prépara pas à ce qu'elle attendait de l'autre côté. Tentures de damas brochées, grands lits sculptés, plafonds décorés de fresques. Jamais Ophélie n'avait vu une chambre aussi somptueuse. Il régnait ici une tiédeur douillette absolument incompréhensible. Aucun feu ne brûlait dans la cheminée et la galerie voisine était glaciale. Sa surprise alla grandissant quand elle repéra des chevaux à bascule et une armée de soldats de plomb sur le tapis. Une chambre d'enfant. La curiosité poussa Ophélie vers les photographies encadrées au mur. Un couple et un bébé couleur sépia revenaient sur chacune d'elles. « Vous êtes matinale ?» Ophélie se tourna vers Bérénilde qui lui souriait dans l'entrebâillement des 2 portes. Elle était déjà habillée de frais dans une robe lâche de satin, sa chevelure gracieusement enroulée au-dessus de sa nuque. Elle tenait dans les bras des tambours à broder. « Je vous cherchais, ma chère petite. Où donc êtes-vous allée vous perdre ?»« Qui sont ces personnes, madame ? Des gens de votre famille ?» Les lèvres de Bérénilde laissèrent entrevoir des dents de perles. Elle s'approcha d'Ophélie pour regarder les photographies avec elle. Maintenant qu'elle se tenait debout côte à côte, la différence de taille entre elles était notable. Si elle n'était pas aussi grande que son neveu, Bérénilde dominait Ophélie d'une tête. « Certainement non !» dit-elle en riant de bon cœur avec son accent exquis. « Ce sont les anciens propriétaires du manoir. Ils sont morts depuis des années. » Ophélie jugeait un peu étrange que Bérénilde eût hérité de leur domaine s'il n'était pas de sa famille. Elle observa encore les portraits sévères. Une ombre creusait leurs yeux, des paupières aux sourcils. Du maquillage ? Les photographies n'étaient pas assez nettes pour lui permettre d'en être sûre. « Et le bébé ? » demanda-t-elle. Le sourire de Bérénilde se fit plus réservé, presque triste. « Tant que cet enfant vivra, cette chambre vivra aussi. J'aurais beau la draper, la démeubler, condamner ses fenêtres. Elle resterait toujours fidèle à cette apparence que vous voyez. C'est certainement mieux ainsi. » Un nouveau trompe-l'œil ? Ophélie trouva l'idée singulière, mais pas tant que cela. Les animistes déteignaient bien sur leur maison après tout. Elle voulut demander quel était ce pouvoir qui générait de telles illusions et ce qu'était devenu le bébé des photographies. Mais Bérénilde la coupa dans son élan en lui proposant de s'asseoir avec elle dans les fauteuils. Une lampe rose déposait sur eux une flaque de lumière. « Vous aimez broder, Ophélie ?»« Je suis trop maladroite pour cela, madame. » Bérénilde posa un tambour sur ses genoux et ses mains délicates, ornées de tatouages, tirèrent l'aiguille d'un geste serein. Elle était aussi lisse que son neveu était anguleux. « Hier, vous vous qualifiez de quelconque, aujourd'hui de maladroite, » chantonna-t-elle d'un timbre mélodieux. « Et ce filet de voix qui éclipse chacun de vos mots, je vais finir par croire que vous ne souhaitez pas que je vous apprécie. « Ma chère enfant, ou bien vous êtes trop modeste, ou bien vous êtes fausse. » Malgré son confort douillet et ses élégantes tapisseries, Ophélie se sentait mal à l'aise dans cette pièce. Elle avait l'impression de violer un sanctuaire où tous les jouets l'accusaient des yeux, depuis les singes mécaniques jusqu'aux marionnettes désarticulées. Il n'existait rien de plus sinistre qu'une chambre d'enfant sans enfant. « Non, madame, je suis réellement très gauche. Un accident de miroir quand j'avais 13 ans. » L'aiguille de Bérénilde s'immobilisa en l'air. « Un accident de miroir ? J'avoue que je ne comprends pas bien. Je suis demeurée coincée dans deux endroits en même temps, plusieurs heures durant. » murmura Ophélie. « Mon corps ne m'obéit plus aussi fidèlement depuis ce jour. J'ai subi une rééducation, mais le médecin avait prévu qu'il me resterait quelques séquelles. Des décalages. » Un sourire s'étira sur le beau visage de Bérénilde. « Vous êtes amusante. Vous me plaisez. » Avec ses souliers bourbeux et ses cheveux défaits, Ophélie se sentait l'âme d'une petite paysanne à côté de cette éblouissante dame du monde. Dans un élan plein de tendresse, Bérénilde laissa son tambour à broder en suspens sur ses genoux et saisit dans les siennes les mains gantées d'Ophélie. « Je conçois que vous vous sentiez un peu nerveuse, ma chère petite. Tout cela est tellement nouveau pour vous. N'hésitez pas à me confier vos inquiétudes, comme vous le feriez à votre mère. » Ophélie s'abstint de lui dire que sa mère était probablement la dernière personne au monde à qui elle viendrait confier ses inquiétudes. Et plutôt que de s'épancher, c'était de réponses concrètes qu'elle avait besoin. Bérénilde lui lâcha presque aussitôt les mains en s'excusant. « Je suis navrée. J'oublie parfois que vous êtes une liseuse. » Ophélie mit un temps à comprendre ce qui la mettait mal à l'aise. « Je ne peux rien lire avec mes gants, madame. Et même si je les ôtais, vous pourriez me prendre la main sans crainte. Je ne lis pas les êtres vivants, mais juste les objets. » « Je le saurai à l'avenir. » « Votre neveu m'a appris qu'il travaillait dans une intendance. Quel est donc son employeur ?» Les yeux de Bérénilde s'agrandirent, aussi brillants et superbes que des pierres précieuses. Elle libéra un rire cristallin qui emplit toute la chambre. « Ai-je dit une sottise, madame ?» s'étonna Ophélie. « Oh non, c'est Orne qui est à blâmer !» badina Bérénilde en riant encore. « Je le reconnais bien là, économe de ses mots comme de ses bonnes manières. » Soulevant un volant de sa robe, elle s'essuya le coin des paupières et redevint plus sérieuse. « Apprenez qu'il ne travaille pas dans une intendance, comme vous dites. Il est le surintendant du seigneur Farouk, le principal administrateur des finances de la Citatielle et de toutes les provinces du pôle. » Comme les lunettes d'Ophélie bleuissaient, Bérénilde acquiesça doucement. « Oui, ma chère, votre futur époux est le plus grand comptable du royaume. » Ophélie mit un temps à digérer cette révélation. Ce dadais hirsute et malpoli en haut fonctionnaire, cela défiait l'imagination. Pourquoi était-on allé marier une fille aussi simplette qu'elle à une telle personnalité, à croire qu'au fond, ce n'était pas Ophélie qu'on punissait mes tornes. Je me représente mal ma place au sein de votre clan, avoua-t-elle. Si on met de côté les enfants, qu'attendez-vous de moi? Comment cela? S'exclama Bérénilde. Ophélie se réfugia derrière son masque impassible, un peu niais, mais elle s'étonna intérieurement de cette réaction. Sa question n'était pas si incongrue, n'est-ce pas? « Je tenais un musée, sur Anima, » s'expliquait-elle à mi-voix. « Espère-t-on que je reprenne mes fonctions ici ou quelque chose d'approchant? Je ne souhaite pas vivre à vos crochets sans donner de ma personne. » Ce qu'Ophélie essayait surtout de négocier, c'était son autonomie. Bérénilde plongea son beau regard limpide sur les livres d'images d'une bibliothèque songeuse. « Un musée, oui. J'imagine que ce pourrait être une occupation distrayante. La vie des femmes prête parfois à l'ennui si haut. On ne nous confie pas de grandes responsabilités comme chez vous. Nous en reparlerons une fois que votre place à la cour sera suffisamment assise. Il va vous falloir être patiente, ma douce enfant. » S'il y avait une chose qui n'inspirait pas de l'impatience à Ophélie, c'était bien d'intégrer cette noblesse. Elle n'en connaissait vraiment que ce que le journal de son aïeul lui avait appris. Nous passons nos journées à jouer aux cartes et à nous promener dans les jardins, et ça ne lui faisait pas envie. Comment l'asseoir, cette place à la cour? S'inquiéta-t-elle un peu. « Devrais-je participer à des mondanités et rendre hommage à votre esprit de famille ?» Bérénilde reprit sa broderie. Une ombre avait filé dans l'eau claire de son regard. L'aiguille qui perçait la toile tendue sur le tambour fut moins dansante. Pour une raison qui échappait à Ophélie, elle l'avait blessée. « Vous ne verrez pas le seigneur Farouk autrement que de loin, ma petite. » « Quant aux mondanités, oui, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Nous attendrons votre mariage à la fin de l'été. Vos doyennes ont demandé que soit scrupuleusement observée l'année traditionnelle des fiançailles, afin de permettre de vous connaître mieux. » « Et puis, » ajouta Bérénilde avec un léger froncement de sourcil, « ça nous accordera du temps pour vous préparer à la cour. » Incommodée par le trop-plein de coussins, Ophélie ramena son corps vers le bord du fauteuil et contempla le bout crotté des souliers qui pointaient sous sa chemise de nuit. Ses doutes se confirmaient. Bérénilde ne lui livrait pas le fond de sa pensée. Elle releva la tête et laissa vaguer son attention à travers la fenêtre. Les premières lueurs du jour trouaient de flèches d'or la brume et élançaient des ombres au pied des arbres. « Ce parc, cette chambre, » chuchota Ophélie, « ce serait donc des effets d'optique. » Bérénilde tirait l'aiguille aussi paisible qu'un lac de montagne. « Oui, ma chère fille, mais ils ne sont pas de mon fait. Les dragons ne savent pas tricoter des illusions. C'est plutôt là une spécialité de notre clan rival. » Un clan rival dont Bérénilde avait tout de même hérité un domaine, releva Ophélie en silence. Peut-être n'était-elle pas en si mauvais termes avec eux. « Et votre pouvoir, madame, quel est-il ?» « Quelle question indiscrète !» s'offusqua gentiment Bérénilde sans détacher les yeux de son tambour à broder. « Demande-t-on son âge à une dame ? Il me semble que c'est plutôt le rôle de votre accordée de vous enseigner tout cela. » Comme Ophélie affichait une mine déconcertée, elle poussa un petit soupir attendri et dit « Thorn est vraiment incorrigible. » Je devine qu'il vous laisse baigner dans le brouillard sans jamais se soucier de satisfaire votre curiosité. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre très bavards, observa Ophélie en choisissant ses mots avec soin. Je crains toutefois, sous votre respect, que votre neveu ne me porte guère dans son cœur. Bérénilde s'empara d'un étui à cigarette dans une poche de sa robe. Quelques instants plus tard, elle soufflait une langue de fumée bleue entre ses lèvres entrouvertes. « Le cœur de Thorn !» susurra-t-elle en roulant fort les airs. « Un mythe, une île déserte, une boule de chair desséchée. Si cela peut vous consoler, ma chère enfant, je ne l'ai jamais vu épris de qui que ce soit. » Ophélie se remémora avec quelle éloquence inhabituelle il lui avait parlé de sa tante. « Il vous tient en grande estime ?»« Oui. » se dérida Bérénilde en tapotant son porte-cigarette sur le bord d'une bonbonnière. « Je l'aime comme une mère, et je crois qu'il nourrit à mon endroit une affection sincère, ce qui me touche d'autant plus que ce n'est pas une inclination naturelle chez lui. » Je me suis longtemps désespérée de ne lui connaître aucune femme, et je sais qu'il m'en veut de lui avoir un peu forcé la main. Vos lunettes changent souvent de couleur, s'amusa-t-elle soudain. C'est distrayant. Le soleil se lève, madame. Elle se module à la luminosité. Ophélie observa Bérénilde à travers le vilain gris qui s'était posé sur ses verres et décida de lui fournir une réponse plus honnête. Ainsi qu'à mon humeur. La vérité est que je me demandais si Thorn n'aurait pas espéré une femme qui vous ressemble plus. J'ai peur d'être aux antipodes de ce désir. Vous avez peur? Ou vous en êtes soulagé? Sa longue cigarette, pincée entre deux doigts, Bérénilde étudiait l'expression de son invité comme si elle s'adonnait à un jeu particulièrement divertissant. « Ne vous crispez pas, Ophélie, je ne vous tends aucun piège. Vous imaginez-vous que je suis étrangère à vos émotions? On vous lie de force à un homme que vous ne connaissez pas et qui se révèle aussi chaleureux qu'un iceberg. » Elle écrasa son mégot au fond de la bonbonnière en secouant ses bouclettes dans une valse blonde. « Mais je ne suis pas d'accord avec vous, mon enfant. Thorn est un homme de devoir, et je crois qu'il s'était tout simplement forgé à l'idée de ne jamais se marier. Vous êtes en train de le bousculer dans ses petites habitudes. Voilà tout. Et pourquoi ne le désirait-il pas? Honorer la famille en fondant la sienne, n'est-ce pas normalement ce à quoi chacun aspire ? Ophélie remonta du doigt ses lunettes sur son nez, en ricanant intérieurement, et c'était elle qui disait cela. « Il ne le pouvait pas, » la contredit doucement Bérénilde. « Pourquoi donc suis-je allé lui chercher une épouse si loin, sans vouloir vous offenser ? Doit-on vous servir quelque chose, madame ? C'était un vieux monsieur qui venait de les interrompre du seuil de la chambre, tout étonné de les trouver dans cette partie du manoir. Bérénilde jeta négligemment son tambour à broder sur le coussin d'un fauteuil. « Du thé et des biscuits à l'orange. Faites-les nous servir au petit salon, nous ne restons pas ici. »« Que disions-nous, ma chère enfant ? » demanda-t-elle en tournant vers Ophélie ses grands yeux turquoises. « Que Thorne ne pouvait pas se marier. Je vous avoue que je ne comprends pas bien ce qui peut empêcher un homme de prendre épouse, si tel est son souhait. » Un rayon de soleil s'invita dans la chambre et posa sur le cou délicat de Bérénilde d'un baiser en or. Les frisottis qui roulaient sur sa nuque s'illuminèrent. « Parce que c'est un bâtard. » Ophélie scia plusieurs fois, éblouie par la lumière en train d'éclore derrière les carreaux. Thorne était né d'un adultère. Feu, son père, mon frère, a eu la faiblesse de fréquenter la femme d'un autre clan, lui expliqua Bérénilde. Et la malchance a voulu que la famille de cette garce soit depuis tombée en disgrâce. L'ovale parfait de son visage s'était déformé au mot « garce ».« C'est plus que du mépris, » constata Ophélie. « C'est de la haine pure. » Bérénilde lui tendit sa belle main tatouée pour qu'elle l'aida à se lever. « Il s'en est fallu d'un cheveu que Thorne soit renvoyé de la cour, en même temps que sa catin de mère, » reprit-elle d'une voix recomposée. « Mon très cher frère, ayant eu la riche idée de décéder avant de l'avoir officiellement reconnu, j'ai dû user de toute mon influence pour sauver son fils de la déchéance. J'y suis assez bien parvenu, comme vous pouvez en juger. » Bérénilde referma la porte à double battant dans un claquement sonore. Son sourire pincé s'adoucit. D'amer, son regard se fit sucré. Vous ne cessez d'examiner les tatouages que ma mère et moi portons aux mains. Apprenez, ma petite Ophélie, qu'ils sont la marque des dragons. C'est une reconnaissance à laquelle Thorne ne pourra jamais prétendre. Il n'est pas une femelle de notre clan qui accepte d'épouser un bâtard dont le parent a été déchu. Ophélie médita ces paroles. Sur Anima, on pouvait bannir un membre qui aurait gravement porté atteinte à l'honneur de la famille, mais de là à condamner tout un clan, Thorne avait raison, les mœurs d'ici n'étaient pas tendres. L'écho cuivré d'une horloge comtoise sonna dans le lointain. Plongée dans ses propres pensées, Bérénilde parut soudain revenir à la réalité. « La partie de croquet chez la comtesse Ingrid, j'allais complètement l'oublier. » Elle pencha sur Ophélie son long corps, souple et velouté, pour lui caresser la joue. « Je ne vous invite pas à vous joindre à nous. Vous devez être encore fatigué de votre voyage. Prenez donc le thé au salon, reposez-vous dans votre chambre et usez de ma valetaille à votre gré. » Ophélie regarda Bérénilde s'éloigner dans un froufrou de robe le long de la galerie aux draps fantômes. Elle se demanda ce que pouvait bien être une valetaille.